que hem començat amb les cançons que ens aportava Alain Souchong amb una de les seves peces a l'Home amb Bobó, i també amb Celine Dion i Un amor por moi, un amor per mi. Aquestes són les dues primeres propostes, però la música no s'atura, perquè és el que realment importa amb aquesta hora musical cantada en francès, amb George Shalon, amb Johnny Holiday o Marie Carmen, que ens aporten les següents peces amb el nostre espai. Que les gaudiu! Arriverai demain par le premier avion. Pour question de travail, radio, télévision, ça marche bien, tu vois. On n'entend plus que moi. Si tu n'as rien prévu, vois-tu une raison qui nous empêcherait de saisir l'occasion de ce voyage éclair pour aller prendre un verre. Tous les deux comme hier, tous les deux comme hier, tous les deux comme hier, comme hier. J'en ai passé des caps, j'en ai franchi des monts. Je ne suis plus jaloux pour un oui, pour un non. Je sais, tu fais ta vie, je fais la mienne aussi. J'ai fini de tirer des plans sur la comète. J'ai rangé mes jouets dans un coin de ma tête, ton mouchoir par-dessus, et je ne m'en veux plus. Tous les deux comme hier, tous les deux comme hier, tous les deux comme hier, comme hier. Repartirai demain par le dernier avion. Pour question de travail, radio, télévision, ça marche bien, tu vois. On n'entend plus que moi. Si l'on ne se voit pas pour diverses raisons, donnons-nous rendez-vous un jour à l'occasion d'autres voyages éclairs. On ira prendre un verre. Tous les deux comme hier, tous les deux comme hier, tous les deux comme hier, comme hier. Comme hier, tous les deux comme hier, tous les deux comme hier, comme hier. Arriverai demain par le premier avion. Pour question de travail, radio, télévision. Si tu n'as rien prévu, vois-tu une raison? C'est la nuit dans le quartier des fous. Les matons ont tiré les verrous. Des tueurs, des voleurs de cachou, des flambeurs, des tatoués, des loulous. Où est la liberté? Faut la payer. Et on enterre nos corps sous le mirador. Et la liberté, promène nos corps sous le mirador. C'est la nuit, mais c'est pas le Pérou. Y a des prisons à ciel ouvert partout. Y a pas d'école pour apprendre à aimer. des écoles pour apprendre à tuer la liberté. Faut la payer et on enterre nos corps sous le mirador. La liberté, faut la rêver quand on promène nos corps sous le mirador. Sûr qu'on a des doutes et des problèmes, du fond du trou on ne peut plus dire je t'aime. La chance ici s'appelle plus la veine ici c'est bien fini. Le cœur se bat sans bruit, c'est pas le Pérou. Nos corps sous le mirador. Oui, la liberté, faut la payer quand on enterre nos corps sous le mirador. Depuis depuis que je mange plus de sucre d'orge. Quelque part avec tes enfants, c'est peut-être ça leur île au trésor. Esteu escoltant Ulala Music. cançons que han triat per al programa d'avui d'Hola la Música, per exemple, Mort Schumann o Mylène Farmer, que ens han acompanyat des de Notre Dame de París, El temps de les catedrals, la Vanessa Paradis, que sempre m'ha encantat, amb L'aire del temps, L'heure du temps, i també Yves Montand, que ens porta una cançó que ens parla del cel de París. Tot això a continuació a Hola la Música. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en langue de Dieu 1482 Histoire d'amour et de désir Tous les artistes anonymes De la sculpture ou de la rime Tenteront de vous la transcrire Pour les siècles à venir Il est venu le temps des cathédrales Le monde est entré Dans un nouveau millénaire L'homme a voulu monter vers les étoiles Écrire son histoire Dans le verre ou dans la pierre Après pierre, jour après jour De siècle en siècle avec amour Il a vu s'élever les tours Qu'il avait bâties de ses mains Les poètes et les troubadours Ont chanté des chansons d'amour Qui promettaient tout genre humain De meilleurs lendemains Il est venu le temps des cathédrales Monter vers les étoiles Écrire son histoire Dans le verre ou dans la pierre Il est venu le temps des cathédrales Le monde est entré Vers les étoiles Écrire son histoire Dans le verre ou dans la bière Il est foutu le temps des cathédrales La foule des barbares Et tout C'est païen, c'est vandal La fin de ce monde Est prévue pour l'an 2000 Et